Chapitre 5. Eldvor et les femmes. Tant que la pirogue fut entre les roches, Eldvor et Glava ne songèrent qu'à éviter le naufrage. Quoique les femmes l'eussent sommairement réparée, elle était fragile et moins bien équilibrée que les esquives des poursuivants. Par intermittence, la rudesse des flots menaçait de la faire chavirer. Alors l'homme et la jeune fille déployaient toute leur adresse pour rétablir l'équilibre. Habitués au fleuve, tous deux avaient le sens de l'eau. Tout en dirigeant la barque, ils surveillaient l'étendue. Aucun canot n'apparaissait sur l'eau, aucune silhouette sur les rives. Graduellement, celles-ci s'écartèrent. Puis la rive gauche tendit à devenir invisible. Elle disparut enfin. L'énorme fleuve reprit son aspect lacustre. Il était improbable que les Tso eussent débarqué. Il leur aurait fallu transporter un canot, sinon la poursuite devenait impossible, et ce transport devait ralentir leur marche. Si, par ailleurs, ils avaient navigué dans la branche élargie du fleuve, leur retard serait considérable. Peut-être avaient-ils renoncé à atteindre les fugitifs. Peut-être leur hésitation s'était-elle prolongée. Eldvor maintenant observait ses compagnes. Amao lui montrait le visage opaque des Tso, leurs mâchoires d'auroch, leurs yeux de corneille. Cette structure déplaisait aux hommes du fleuve bleu. Mais Glava ressemblait étrangement aux femmes Ougmar, avec son visage plus étroit, ses vastes yeux clairs, ses cheveux de lionne et son torse flexible. À sa vue, une ferveur douce pénétrait la poitrine du guerrier, comme par les grands matins où il rôdait dans la jeunesse du monde. Et Glava préférait à la structure massive, au teint cannelle des Tso, ce grand corps souple comme le corps des léopards, ce visage frais qui ressemblait au visage des enfants. Il essaya de lui faire entendre, mêlant les paroles aux gestes, que les Tso avaient ravi les femmes des Ougmar. Elle le comprenait, et de ci de là, un mot lui rappelait des mots que prononçait l'aïeul des lacs verts, dont la langue ressemble à celle des hommes du fleuve bleu, car les deux races venaient d'une souche commune, et les termes primitifs demeuraient analogues. À son tour, elle tenta de raconter son exode, le tremblement de la montagne, la menace de mort, la fuite dans la nuit. Il la comprenait moins bien qu'elle ne l'avait compris, et toutefois il sut que leur alliance était scellée. Du moins savait-il les noms des femmes, répétés, accompagnés de signes. Elle aussi connaissait le sien. Il dit « Glava et Amao seront des femmes Ougmar. Eldvor les sauvera. » Le fleuve continuait à emporter la pirogue. L'ennemi ne paraissait pas encore. Pourtant, Eldvor désira accroître la distance et Glava le seconda avec une énergie qu'il trouvait admirable. Il se demandait s'il ne valait pas mieux débarquer et se perdre dans la forêt de la rive gauche, mais le canot, refuge précieux tant qu'ils iraient vers l'aval, retarderait la marche s'il fallait le transporter. Eldvor résolut donc de continuer la navigation tant qu'aucun péril ne se révélerait, et il recommença de ramer en silence, tandis que les projets obscurs germaient dans son crâne. Le canot fila rapidement, franchissant encore 1000 coudées. Les chiens, le loup et Yolg, se tenaient à l'arrière. Amao, qui redoutait les bêtes pour son enfant, se tenait à la proue. Vigilant comme un guerrier, Yolg ne cessait de scruter l'espace. Au moment où l'on tournait un coude du fleuve, il poussa une exclamation, puis les yeux perçants dardés vers l'amont, il avertit. « Les Tso sont revenus !» Eldvor et Glava, attentifs à diriger l'embarcation dans un remous, virent, très loin, une pirogue. Non avertis, ils eussent pu confondre l'esquif avec quelque saurien ou un tronc d'arbre emporté par les eaux. Mais leurs yeux aigus discernèrent de confuses silhouettes qui devaient être des hommes. Et Eldvor répéta en regardant Glava, « Les Tso !» D'ailleurs, le canot des fugitifs, proche d'une rive tourmentée, devait être invisible ou peu visible. Eldvor frôla de plus près encore la berge, si bien que l'embarcation ne pouvait guère, pour les poursuivants lointains, être distingués des végétaux. Avant de tourner le coude, Elgvor jeta un dernier regard à l'arrière. Il n'y avait toujours qu'une seule pirogue en vue. L'autre était-elle plus lente, ou avait-elle abandonné la poursuite? Il ne s'attarda point à se le demander. Sa résolution était prise. À 10 000 coudées, une brousse commençait, ou, s'il le fallait, il pourrait dresser une embuscade. Dans la sylve, le loup était de taille à terrasser un guerrier, par surprise. Les deux chiens, moins robustes, pouvaient inquiéter l'ennemi. Glava semblait prêt à combattre, et lui, Elgvor, maniait mieux l'arc que le plus habile des Ougmas. D'un coup de massue, il abattait un homme. Le canot tourna enfin le coude du fleuve. Encore qu'elle continua à ramer vigoureusement, Glava donnait des signes de lassitude. Elle luttait depuis le matin. Elgvor fit signe à Liolg, puis à Amao, et donna à chacun une des rames de Glava. On ne revit les poursuivants que lorsqu'on fut à 5 000 coudées de la brousse, et dès lors ils ne cessèrent de gagner du terrain. Non seulement leur esquif était mieux construit, mais que pouvait Elgvor aider par une femme et un enfant contre 6 rameurs musculeux? Il ne songea plus qu'à gagner la brousse. Pour l'atteindre à temps, il suffisait que la vitesse de sa pirogue atteignît la moitié de celle du canot Tso. Sur une longueur de 2 000 coudées, il maintint une distance plus que suffisante. Sa vigueur était intacte, son adresse suppléait à la gaucherie d'Amao et à la faiblesse de l'enfant. Mais bientôt cette gaucherie et cette faiblesse, s'accroissant de la lassitude d'Amao, l'avantage des Tso devint considérable. Il eût été impossible d'atteindre à temps la brousse si Glava n'avait repris les rames. « Glava est courageuse comme un guerrier !» s'écria Elgvor, dont les yeux dévoilaient une admiration ardente. Elle ne comprit pas la parole, mais le regard et son cœur s'emplit d'obscure allégresse. Déjà ses efforts rétablissaient l'équilibre. La distance entre les deux canots décroissait assez lentement pour que Elgvor espérât atteindre la brousse avant d'être menacée. Parallèlement, il constatait que le second esquif Tso ne paraissait toujours pas. Les derniers instants furent rudes. Malgré sa vaillance, Glava fléchissait. Mais lui, roidissant tous ses muscles, lutta contre le sort avec une énergie frénétique. « Hoa ! » cria-t-il d'une voix triomphante. La brousse était là, et les Tso, en retard de 300 coudées, ne pouvaient voir la pirogue de Elgvor et de Glava filant sous les ramures penchantes des saules pleureurs dans un affluent du fleuve. C'était une petite rivière à 2 embouchures. Elgvor la remonta lentement. Avant la pointe du delta, un marais se formait sur la rive gauche, enveloppé de grands roseaux. Tourné vers la jeune fille, il signifia. « Si Glava n'a plus de force, que Glava ne rame plus. » La pirogue engagée dans le marais atteignait un havre abrité par des saules monstrueux et d'immenses peupliers noirs. Elgvor poussa le canot dans un enchevêtrement de roseaux et saisit ses armes. Tout était paisible. Les Tso avaient dû dépasser l'affluent. Mais il fallait craindre leur retour lorsqu'ils auraient constaté que le canot des fugitifs avait disparu. Sans doute hésiterait-il entre les deux embouchures et aussi devant le marais. Un hasard seul pouvait leur faire découvrir la barque parmi les roseaux. Glava avait suivi la manœuvre avec admiration, et dans l'ardeur de sa jeunesse, elle eut envie de rire, malgré le péril. Déjà, Elgvor entraînait ses compagnes à travers la brousse. Lorsqu'elle était trop épaisse, il prenait un détour. Parfois, il s'ouvrait une route à la hache. Bientôt, de grands arbres parurent, dont l'ombre anémiait les végétations parasites. Puis les fugitifs virent une clairière où s'amoncelaient des blocs erratiques. Elgvor, Yolg, Glava et Amao s'arrêteront ici. Le fils de Stra choisit un espace environné de pierres où on pouvait se garer contre les projectiles. Il parla ensuite aux chiens et aux loups. Il connaissait les mots qui ordonnent le silence, le guet ou le combat. Cette fois, il leur commanda de veiller et de se taire. Leur sens admirable saisissait toutes les variations de l'ambiance. L'odorat des chiens dépassait celui du loup, mais le loup avait l'ouïe plus subtile. Elgvor les établit auprès des 3 couloirs par où l'on accédait à l'enceinte et vérifia les armes. Il avait sa massue, sa hache, son arc, deux sagaies et cinq flèches. Les armes des femmes comportaient une massue, quatre sagaies, deux haches, un épieu. Yolg avait un arc d'enfant et une sagaie. Le loup était redoutable. Les chiens, encore que de taille médiocre, interviendraient dans le corps à corps. Les fugitifs mangèrent hâtivement de la viande boucanée. Puis Helgvor et Yolg assemblèrent du bois, des herbes sèches, et s'efforcèrent de rendre l'enceinte moins accessible encore. À l'aide de branches épineuses, ils barrèrent les issues, ne laissant que d'étroites lacunes où pouvaient passer les bêtes. Si quelque tso tentait de pénétrer par là, il serait facilement assommé d'un coup de massue. Quelques fissures entre les blocs permettaient à Helgvor, à Glava, à Amao et à Yolg de surveiller le site. Plusieurs fois, Helgvor songea à accroître la distance qui le séparait des poursuivants. Mais Amao était très las. Glava même luttait péniblement contre sa fatigue. Si les Tso retrouvaient la piste, l'avance serait rattrapée et il faudrait combattre désavantageusement, tandis que l'enceinte permettait une résistance acharnée. Enfin, ici, les femmes reprenaient des forces pour combattre. Dans la profondeur sylvestre, les ramures épaissirent leurs ombres et le soleil s'accrut à mesure qu'ils déclinaient sur les cimes. Parce que leurs âmes et leur race étaient jeunes, le péril s'abolissait dans Glava, Amao et Helgvor. Les Tso avaient perdu leurs traces. Avant qu'un guerrier eût pu décrire 10 000 pas, le crépuscule pétrit des mondes dans les nuées. L'abri parut sûr, les fugitifs y passeraient la nuit. Parfois, Helgvor et Glava échangeaient des gestes ou des paroles. Déjà la répétition créait les linaments d'une langue commune. Glava comprenait plus vite que Lugmar. Du fond de sa mémoire surgissaient, toujours plus vivaces, les mots que marmonnait l'aïeul des lacs verts, et ses souvenirs la préparaient à mieux adapter l'articulation de Helgvor. Amao ne participait guère à ces ébauches de palabres. Passif, l'esprit nonchalant, très las aussi, occupé de son enfant, elle s'abandonnait à l'énergie des deux autres. Son petit captivait Yolg, qui faisait monter le rire au visage mou. Ainsi, une vague habitude naissait entre ces êtres, et la sensation de dissemblance s'atténuait, même chez Amao, qui, plus que Glava, se percevait étrangère auprès du grand nomade. Une heure avant le crépuscule, les chiens s'agitèrent et le loup se mit à rôder autour de l'enceinte. Quoique Helgvor, Glava et Yolg eussent dressé l'oreille, ils n'entendaient que le frisolis léger des ramures ou le trottinement d'une bestiole. Mais les chiens et le loup étaient infaillibles. Un ennemi, homme ou bête, pénétrait dans l'ambiance. Les yeux du loup phosphorèrent et les chiens tournaient des regards aigus vers le guerrier. Helgvor siffla doucement. C'était l'ordre du silence. D'ailleurs, à moins que Lugmar ne les y encourageât, les bêtes n'aboyaient ou ne hurlaient ni à l'approche de la proie, ni à celle du danger. Toutefois, leur agitation s'exalta. Le loup errait plus sournoisement. Les chiens se coulaient par les faibles ouvertures qu'on leur avait ménagées et revenaient en retroussant les babines. C'est le tigre, le lion, l'ours gris ou l'Ezo, conclut Helgvor en examinant son arc, tandis que Glava tenait sa massue prête, préférant laisser ses flèches aux guerriers. Helgvor et Yolg, collant leurs oreilles contre le sol, entendirent distinctement des pas mous qui, pour eux, ne pouvaient se confondre avec aucun pas de bête. L'Itzo arrive. À son geste, Amao même comprit, et Yolg riait de l'avoir tremblé, car il jugeait Helgvor invincible. Quoique moins confiante, Glava, à l'idée de combattre côte à côte avec l'homme qui les avait sauvés, se grisait de courage. Les pas s'arrêtèrent. Le nomade devina que l'ennemi se dissimulait au bord de la clairière et que l'enceinte était attentivement observée. Ceux qui s'y dissimulaient n'étaient pas moins invisibles que ceux qui la guettaient. De part et d'autre, le même silence, la même prudence de félins à l'affût. L'arbre le plus proche était à une portée de flèche. Et tout autour de l'abri, rien que des herbes, des fougères, quelques arbustes trop clairsemés pour cacher un homme. Pendant quelque temps, la tranquillité fut si profonde que Helgvor aurait pu croire qu'il s'était trompé. Mais l'attitude des chiens et du loup ne permettait aucune incertitude. Une même frénésie tendait leurs muscles et dilatait leurs pupilles. Depuis qu'il avait reconnu les pas humains, l'Ougmar ne les laissait plus sortir, et accoutumés aux embuscades, ils attendaient, ensemble patients et furieux. Les quatre fugitifs veillaient chacun à sa meurtrière, et Amao ne se montrait pas moins attentif que les autres. À la fin, Yolg, qui se tenait à l'occident, vint effleurer l'épaule du guerrier. Un tzo dans les arbres. Elvor se tourna doucement, prit son arc et regarda. Un tzo grimpait sur un frêne, à demi caché par des ramures de sycomore. L'homme, arrivé à mi-hauteur, commençait à voir l'intérieur de l'enceinte. À la distance où il se trouvait, aucune flèche tzo n'aurait pu l'atteindre. Mais les grands Ougmars avaient des arcs à longue portée, dont aucun n'était aussi puissant que l'arc de Elvor. L'œil fixé sur le grimpeur, le nomade attendit le moment où l'épaule gauche et une partie du torse furent visibles. Puis, habile à calculer les déviations, il tendit la corde, visa et lança la flèche. C'est le torse qu'il voulait atteindre, mais la distance était trop grande. La flèche perça la main du grimpeur. Avec un cri de rage, le tzo glissa le long du fût et retomba sur le sol, tandis que ses compagnons, se connaissant démasqués, mugissaient frénétiquement. La voix retentissante de l'Ougmar lança le cri de guerre, et parce que le silence devenait inutile, Glava et Yolg clamèrent aussi, tandis que les chiens aboyaient par coupetés, que le loup prolongeait du hurlement des soirs faméliques. « Les tzos sont des vautours sans courage. Ils périront sous la hache, les sagaies et les flèches. » Le chef des hommes du roc ricana. « Les tzos ont enlevé les femmes aux hommes du fleuve bleu. Les hommes du fleuve bleu sont stupides comme des mouflons et des limaces. » Les clameurs s'éparpillèrent après avoir exalté la poitrine des hommes, et le silence retomba, appesanti d'inquiétude. Elgvor se demandait si les guerriers du second canot avaient rejoint leurs compagnons. Les voix ne semblaient annoncer que 5 ou 6 hommes, mais plusieurs pouvaient s'être tués. Le brasier rouge du soleil parut dévorer la futaie occidentale. Puis les nues, douées de l'éclat charmant des fleurs et de la fureur des incendies, créèrent un univers plus vaste que les forêts, les lacs, les savanes et les fleuves. Cette vie sans bornes mourait à chaque tressaillement des feuilles. L'étrange cendre des ténèbres y semait la nuit carnivore. C'est l'heure où les bêtes craintives savent que les bêtes dévorantes sortent des tanières. Les voix fauves croisaient leurs menaces. Un lion rugit, des loups hurlèrent, et les chacals joignirent leurs glapissements aigus au rire funèbre de l'hyène. Quand il n'y eut plus d'autre lueur que la confuse transsudation stellaire, chaque aspect de la clairière devint sinistre. Dans l'enceinte granitique, les humains et les bêtes dilataient les sens qui s'adaptent à l'ombre, et les tzos n'apercevaient plus l'abri des Ougmars et des femmes que comme une masse amorphe. Tout se tut dans le grand silence des pièges. Les fauves erraient furtifs, et les tzos songeaient à surprendre le grand nomade. Ils avaient mesuré l'obstacle et savaient d'où ils lanceraient les sagaies et les pierres aiguës. Mais une telle attaque serait vaine si les assiégés demeuraient sous le couvert des blocs. Camre, au poitrail d'Auroch, disait « Puisque les tzos doivent attaquer, à quoi servirait-il d'attendre? Toute la nuit, l'homme du fleuve et ses bêtes ne seront-ils pas prêts à combattre? Exam nous attend dans l'île. » « Et comment attaquer ? » demanda un guerrier au visage tatoué de cicatrices. La nuit est noire, les tzos ramperont dans les herbes, et quand Camre poussera le cri de guerre, nous bondirons tous ensemble. « C'est bien, dit le guerrier, mais l'arc de l'homme du fleuve est redoutable. » « L'homme du fleuve ne peut pas viser par une nuit sans lune. 5 tzos ont-ils peur d'un seul Ougmar ?»« Oum n'a pas peur, répondit fièrement l'homme au balafre. Les 5 hommes se mirent à ramper. La moitié de l'espace qui les séparait de l'enceinte erratique produisait des fougères et des herbes hautes qui rendaient les assaillants invisibles à des yeux humains. Mais les narines des chiens et du loup les dénoncèrent. Elgvor connut que les tzos avançaient, colla l'ouïe contre le sol et contre les pierres. Toutes espèces de frôlements et de froissements, dus aux bêtes errantes, empêchaient de rien discerner. À l'aide du silex et de la marcassite, il enflamma des herbes sèches dissimulées dans un creux et, saisissant deux branches résineuses, il les alluma sous le surplomb d'un bloc. Des lueurs éclaboussèrent l'enceinte et se répandirent, plus faibles, dans la clairière. Elgvor dit « Quand les tsos paraîtront parmi les herbes courtes, Yolg lèvera les branches afin que Elgvor voie mieux les ennemis. » Dans leur exaltation, les chiens poussaient leurs museaux pointus par les interstices. Le loup grondait. Presque simultanément, Yolg, Elgvor et Glava perçurent des ondulations dans les herbes moins longues. Yolg prit les deux torches et, debout sur un des blocs intérieurs, il illumina la clairière. Les raies soubresautant dévoilèrent la présence des tsos parmi les fougères et les gramènes. Elgvor, se hissant à son tour, tendit son arc et une flèche effleura l'épaule d'un tso, vite suivie d'une seconde qui entra près de la clavicule. L'homme lâcha la massue qu'il tenait à la main droite et poussa un grand cri. Mais Elgvor n'avait plus que deux flèches. Surpris par la lumière des torches et par le tir du grand nomade, les tsos se tapirent contre le sol et redevinrent invisibles. Les torches continuaient à jeter leur lueur oscillante qui suffisait à rendre toute surprise impossible. L'ennemi devait faire le siège de l'enceinte ou l'emporter de vive force. Engagé dans l'aventure, responsable déjà des blessures de deux hommes, saisi d'une fureur forcenée, d'une haine violente contre Xam dont il redoutait les injures et peut-être un châtiment, Khamr était résolu au risque suprême. « Les tsos vont bondir, dit-il, et détruire l'homme du fleuve. Deux tsos sont déjà blessés ici. Deux autres dans le canot de Oua, riposta l'homme au balafre. Les tsos ne savent-ils plus se venger? Ricana Khamr. Les tsos tremblent-ils comme des cigognes devant l'aigle? Si l'homme du fleuve ne périt pas avec les femmes qui ont trahi les clans, les tsos retourneront chez eux en tremblant, et les femmes Ougmar leur riront au visage. L'homme du fleuve est seul. Je le tuerai d'un coup de massue. » Les guerriers connaissaient que Khamr, aussi redoutable que le sanglier noir, attaquait les léopards avec la hache et un jour de grande chasse avait tué le lion. Pendant que Khamr attaquera l'homme du fleuve, les guerriers abattront les femmes et les bêtes. Il poussa le cri de guerre et les quatre hommes bondirent sur les herbes courtes. Une flèche siffla qui se perdit dans la terre, puis une seconde écorcha le bras gauche d'un guerrier sans lui ôter sa force. Déjà les tsos atteignaient l'enceinte, et pleins de la vigueur agile des jeunes êtres, ils l'escaladèrent en s'entraidant. Elgvor tenait ses sagets, et Glava s'apprêtait à combattre. Presque en même temps, les guerriers parurent à la crête des blocs. Yolg avait précipitamment éteint les torches. Le feu d'herbe sèche ne jetait plus qu'une lueur stellaire, et dans l'ombre violescente, les silhouettes étaient indécises comme des vapeurs. Elgvor frappa de la massue. Glava dardait une sagaie, et Yolg lançait des pierres. Un assaillant croula sous les coups de l'Ougmar. Un second eut l'épaule percée par Glava, mais il sauta dans l'enceinte, suivi de Khamr et d'un autre guerrier. Les chiens bondirent. Glava combattait désespérément. Yolg aidait le loup, qui, se glissant à l'arrière, venait de saisir un guerrier à la nuque. D'abord épouvanté, Amao arrivait à la rescousse. Khamr et Elgvor se trouvèrent face à face. C'étaient de puissantes machines de guerre, égales par la masse, l'énergie et l'opiniâtreté, disparates par la structure. Avec sa tête cubique, son torse bombé comme le torse des bêtes, Khamr figurait la race des tsos issus des terres volcaniques, tandis que Elgvor, le crâne en carène, la poitrine plane et les jambes longues, était un descendant centaure des hommes qui vivaient auprès du fleuve bleu et des lacs verts. La haine des aïeux vivait en eux, les légendes obscures, la mémoire ancestrale et les instincts incompatibles. Les massues tournoyèrent. Dans ce coin de l'enceinte où l'espace était libre, Khamr injuriait Elgvor et ses ancêtres. Elgvor prédisait la vengeance des Ougmar. De la main gauche, chacun tenait une sagaie. Dans la pénombre, Elgvor était plus clair que Khamr, dont la tête se confondait avec la nuit. « Les tsos ont pris vos femmes !» grondait Khamr. « Elles vivront dans nos cavernes. elles porteront la génération des Tso. Comme les loups ont peur des lions, les Ougmars tremblent devant les Tso. » Ces paroles n'avaient aucune signification pour Louis de Helgvor, mais il les devinait insultantes, et il ripostait. « Les Tso, plus lâches que les hyènes, n'oseraient pas regarder les guerriers Ougmars en face. Nous écraserons leur nuque et perceront leur cœur. » Camre darda sa sagaie, mais Helgvor la rompit d'un coup de massue, et la massue de Camre s'abattit comme un roc. Elle rencontra la massue ennemie, d'un coup si rude que l'Ougmar chancela. Avec un long hurlement, le Tso tenta d'achever sa victoire, mais le fils de Stra darda sa sagaie, et Camre rebondit en arrière. La sagaie, invisible dans les ténèbres, frappa Camre à l'épaule gauche, mais n'entama que la peau. Pendant un temps très bref, face à face, ils s'épièrent, chacun cherchant à surprendre l'autre. Dans l'ombre, le loup, les chiens, Glava, Yolg et Amao étaient aux prises avec les autres Tso. Camre reprit l'attaque et de nouveau les massues se rencontrèrent avec une telle puissance qu'elles échappèrent aux mains des deux hommes. « L'homme du fleuve va mourir !» gronda Camre. Il avait bondi. Il saisissait Helgvor à plein bras. Or, de tous les Tso, Camre était le plus fort dans le combat sans armes, où les corps et les membres s'en mêlent. Même le sanglier noir, si formidable par la massue ou la hache, aurait succombé. Quand il se fut emparé du torse de l'Ougmar, ses muscles d'ours se resserrèrent, et avec un grondement de victoire, il souleva l'antagoniste. Helgvor saisit Camre par la gorge, tandis que tous deux roulaient sur la terre dure, où, parce qu'il tenait Helgvor à la taille, Camre domina d'abord. Mais son souffle devint rauque, sa bouche béa pour respirer. Ses nerfs faiblirent tellement que l'Ougmar put rejeter le corps qui pesait sur sa poitrine, et Camre râla, couché sur les épaules, les cartilages du cou broyés. Après de lourds sursauts, le corps énorme s'immobilisa. Alors Helgvor clama « Ainsi mourront les Tso, ravisseurs de femmes !» Ayant ressaisi sa massue, il se porta au secours de Glava et d'Amao. Amao gisait sur le sol, frappé par la hache de bronze et la sagaie. Glava et le loup avaient tué un homme, mais la jeune fille, sanglante, succombait sous l'attaque d'un Tso qui venait d'assommer Yolg. L'Ougmar bondit comme un léopard. Ce ne fut pas une lutte. Deux fois l'arme s'abattit. Le dernier ennemi croula et le grand nomade clama sa victoire sous les étoiles.